La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, nous allons converser avec François Julien. François Julien est philosophe, helléniste et sinologue. Voilà un homme qui brouille inlassablement les lignes de démarcation, qui travaille surtout entre telle discipline et telle autre. On pourrait dire qu'il fait de la balançoire entre des pôles qui entretiennent en général d'intenses relations d'indifférence, ce qui lui permet de déjouer la conjuration des habitudes de pensée. Au fil de ses livres, il est devenu celui qui sait le mieux dire ce par quoi se distinguent l'écart et la différence. Les deux notions se recouvrent, au sens où elles marquent toutes les deux toujours une séparation, mais, explique-t-il, elles ne le font pas de la même façon. La différence agit sous l'angle de la distinction. Elle dit « ceci n'est pas la même chose que cela », tandis que l'écart agit sous l'angle de la distance. Il note que ces deux entités n'occupent pas la même position au sein de l'espace général. Cette nuance est capitale en ce qu'elle fonde une nouvelle façon de considérer l'acte de pensée. Car la différence est toujours classificatrice. Elle identifie les choses, repère ce par quoi elles ne sont pas identiques, les range ensuite avec méthode, ce qui conduit à leur hiérarchisation plus ou moins explicite. Tandis que l'écart, lui, se contente de prendre acte de l'existence d'une séparation entre deux entités, ce qui permet ensuite de les regarder ensemble, tout en les mettant en tension, sans que jamais l'une disparaisse au profit de l'autre. François Julien a donc commis mains écarts, mais pas de conduite, et effectué toutes sortes de pas de côté. Par exemple, il a circulé entre l'Europe et la Chine, entre la science et la philosophie, entre l'assigné et l'évasif, entre le dissible et l'ineffable, entre le temps des horloges et les différentes temporalités des phénomènes. Son exploration de l'antre est devenue si féconde et si parlante que j'ai tenu à l'inviter pour mener avec lui une conversation scientifique, mais bien sûr pas seulement. Je le remercie d'avoir eu la gentillesse d'accepter mon invitation, ce qui lui vaut d'être là devant moi au studio 109. Bonjour François Julien. Bonjour. Voilà, je pourrais passer plusieurs minutes à dire les titres de vos nombreux ouvrages. Je vais me contenter d'en citer quelques-uns parmi les tout derniers. Une seconde vie, et puis un autre qui s'intitule Si près, tout autre, avec comme sous-titre De l'écart et de la rencontre. Il y a également Ressources du christianisme. Et je signale que le cahier de Lerne qui vient de paraître vous est intégralement consacré. Alors j'ai l'impression, François Julien, qu'on vous pose souvent les mêmes questions, auxquelles vous répondez avec beaucoup de patience. Est-ce que ça veut dire que votre démarche réclame de toujours être réexpliquée ? Sans doute réclame-t-elle effectivement des éclaircissements, parce que la position dans laquelle je me suis mis, d'écart, n'est peut-être pas directement intelligible, mais c'est le propre de l'écart. C'est-à-dire que je viens de la philosophie grecque, mais j'ai fait le choix de m'en écarter, de passer en Chine, pour y trouver un ailleurs de la pensée, ailleurs par la langue, ailleurs par l'histoire, mais pas pour devenir sinologue, plutôt pour le devenir, mais sans me siniser. Donc avec l'idée d'un retour sur la pensée européenne, pour la réinterroger à partir de cet écart chinois, la réinterroger dans ce qu'elle n'interroge pas, c'est-à-dire dans ses partis pris, dans ses choix implicites, dans ce qu'elle véhicule comme de l'évidence, ce qu'on appelait à l'époque classique la lumière naturelle, et qu'elle ne songe pas à interroger. Donc tout cela, effectivement, me met dans une situation peut-être bancale, en tout cas, vous l'avez dit, d'antre, qui ne se laisse pas facilement assigner. Donc je crois qu'il y a effectivement, chaque fois, à réexpliquer d'où je viens, parce qu'en fait, ma pensée et mon itinéraire. Les deux ne se séparent pas. Et sans doute, ce qui en fait le point central, c'est de penser la philosophie sous cette figure de l'écart. Non pas du vrai et du faux, mais plutôt de la capacité que nous avons à ouvrir de nouveaux possibles dans la pensée. Et je crois que c'est ce qui fait la trame continue de mon travail, qui a évolué à partir de ce premier terrain de réflexion qui est pensée européenne, pensée chinoise, l'aller-retour, l'écart de ces pensées, mais ce qu'elles font apparaître d'entre et aussi de commun, de l'intelligible, à penser. À partir de quoi je suis revenu progressivement à un projet qui était projet de départ de philosophie générale, avec comme question principale celle du vivre, ou plus précisément de l'exister, et qui est, disons, maintenant l'artère de ma réflexion. Donc, j'écris pas des livres, j'écris des chapitres d'un même livre qui, chapitre après chapitre, essaie de tirer parti d'une décision de prendre la philosophie à revers, ou dans le dos. C'est-à-dire d'essayer de sortir de l'atavisme de la philosophie, pour prendre le terme de Nietzsche, de la déloger des questions dans lesquelles elle est installée. Et pour ce faire, il faut une stratégie. Il n'y a pas de méthode, c'est pas la méthode cartésienne. Parce que comment avoir accès à l'impensé de sa pensée ? Donc, ça implique stratégie, détour, ruse, pour essayer de revenir à cet impensé de sa pensée, c'est-à-dire à quoi sa pensée est adossée et que par là même, elle ne pense pas. Mais donc, François Julien, c'est peut-être très important de vous poser toujours la même question. Ça vous permet à vous-même de détecter l'impensé de votre pensée. Bien sûr. Produit par les pas de côté que vous effectuez. Oui, et puis je crois qu'on ne cesse pas de revenir à partir de quoi on pense. C'est-à-dire, d'élaborer une prise pour se situer en amont de sa pensée. Et pour moi, l'amont de sa pensée, c'est d'abord la langue dans laquelle on pense. C'est pour ça que je fais ce travail d'helléniste, de sinologue, car la langue pense avant nous. Et notre pensée commence par déplier les possibilités de la langue, les ressources de la langue. Je ne dis pas évidemment que la langue détermine la pensée, mais la pensée exploite les ressources d'une langue, de la langue à laquelle on pense. Et c'est bien ce que Descartes n'a pas pensé. Descartes pensait en langue. Le latin français de son époque, de même que Kant entre le latin allemand. Et le souci moderne, notamment nietzschéen, de retour sur la langue dans laquelle je pense, dans les plis de laquelle je pense, dans les partis pris qu'elle véhicule et que nous avons donc, en pensant dans cette langue, à activer, me paraît essentiel pour, disons, passer à ce soupçon peut-être le plus élémentaire, qui est celui en amont même de mon cogito, des conditions de ce cogito. J'ai lu, François Julien, le cahier de Lerne qui vous est consacré. Beaucoup de penseurs reviennent sur votre travail, le commentent, l'interrogent également. Et ça m'a fait penser à Einstein. Non pas que je vous compare à Einstein, mais il se trouve que, vous savez, en 1905, Einstein a écrit 5 papiers révolutionnaires, c'est ce qu'on appelle l'année miraculeuse de la physique, et il habitait Berne, et des gens venaient le voir pour essayer de comprendre comment il avait pu avoir ces idées révolutionnaires. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il emmenait ces personnes à la fosse aux ours, qui est à Berne, et il leur faisait remarquer que la grande majorité des ours restent tous dans le même endroit, à attendre que des morceaux de viande veuillent bien choir à leurs pieds, et de temps en temps, pourtant, il arrive que l'un d'entre eux, demeuré à l'écart, se dresse sur ses pattes arrière pour repérer les morceaux tombés plus loin ou dans un endroit moins accessible. Einstein était conscient de ne pas procéder comme les autres, de faire instinctivement le pas de côté qui lui permettait de regarder les situations sous des angles inédits. Ah, l'image est belle. Est-ce que vous êtes cette sorte d'ours l'image à l'écart est belle. Je pense que le philosophe est cette sorte d'ours. C'est ce que dit d'ailleurs le premier Parménide, que dans son poème, c'est que ce néophyte qui comme ça part aux portes du ciel, eh bien, il est dit apo ton anthropon, loin des hommes, ectos tu patu, hors du chemin battu. C'est la première figure du philosophe, c'est celle-là. Je crois que philosopher, c'est s'écarter, c'est-à-dire ouvrir un écart aventureux avec ce que écart entend de exploratoire, faire un écart de conduite, écart de langue, c'est-à-dire au fond, ouvrir un autre possible. Et je crois que si, pour reprendre le terme de différence et d'écart, c'est pas en quoi Aristote est différent de Platon qui est intéressant. Là, on range Platon, Aristote, l'aristotélisme, face au platonisme. Non, c'est comment Aristote a ouvert un écart vis-à-vis de Platon et donc a ouvert un autre accès, un nouvel accès à l'impensé. Donc je crois que c'est la figure même du philosophe que de s'écarter, que c'est son audace, pour prendre le grand terme platonicien, il faut oser, et que ça, non pas par goût de la solitude, non pas par pose romantique, c'est simplement parce que c'est la condition même d'une pensée que de s'essayer en se détachant du déjà pensé, du bien connu, du déjà attendu, de tout ce qui est déjà consommé par la pensée, donc il y a cette... vocation de... Ce n'est pas une solitude choisie, mais c'est, je crois, une condition pour ne pas tomber dans ce qui est l'abîme de la philosophie, à savoir la répétition, la scolastique, bref, le rangement de la pensée, ou sa pure historicisation, qui font obstacle à la pensée. Claude Agege, qui intervient dans le cahier de langue qui vous est consacré, qui est un linguiste bien connu, commente l'opération de traduction d'une langue dans une autre et dit ce que vous avez réussi à démontrer. Je le cite, François Julien a montré que la traduction doit remettre en question et même faire exploser non pas la langue de départ mais la langue cible, celle dans laquelle on traduit. Avant de vouloir traduire en une langue B ce que dit une langue A, il faut faire exploser la langue B pour l'ouvrir, pour la rendre réceptrice à des possibles que la langue A lui propose et qu'elle ne connaissait pas. Est-ce que ça dit bien votre travail ? Oui, je crois que c'est une bonne définition de ce qu'est la traduction. À l'encontre de la vieille formule de la traduction qui pourrait être trahir, n'est-ce pas, et toute cette idée de fidélité de la traduction, c'est qu'au fond, la traduction met en vis-à-vis les ressources de deux langues, ressources qui ne coïncident pas. Et donc, la traduction, ce n'est pas une opération pauvre ou secondaire ou, disons, ancillaire. La traduction, c'est cette opération aventureuse qui est de produire un dévisagement entre ces langues, chacune sondant dans l'autre les impensées de la sienne, mais aussi les ressources de la sienne, de la langue qu'elle est, et donc permettant un travail qui est proprement opératoire, de dévisagement mutuel, de réflexivité de l'une par l'autre, et donc d'éclore chaque langue de son idiotisme, de l'ouvrir, de la promouvoir au-delà de ses limites propres, donc de rouvrir la langue, et d'un côté et de l'autre. Donc c'est une opération forte, la traduction. Et c'est une opération typique de la position de l'antre opératoire qui déclôt les deux positions en vis-à-vis et ouvre une possibilité d'opérer entre elles, parce que ces deux positions sont justement décloses et donc débordées. Je crois que c'est une opération essentielle qui est celle de la traduction, qui est celle plus généralement de la pensée, car c'est pas seulement que traduire c'est penser, mais penser c'est traduire. Penser, je crois, c'est se mettre dans cette situation d'antre qui permet de travailler là où c'est opératoire, c'est-à-dire hors des positions qui sont déjà installées, qui sont tentées de se clore sur leur idiotisme. Mais Vignoncelli disait « penser, c'est être en lutte avec la langue ». Est-ce que c'est cette idée que vous développez là ? Oui, je crois que ça, c'est de plus en plus ma ligne de travail, et notamment dans « Si près tout autre », c'est un peu la perspective du livre, c'est que penser, c'est à la fois travailler avec la langue et contre la langue. Travailler avec la langue parce que justement, on refuse ce qui serait le silence, l'indicible, l'apophatisme et tout cela. Donc tout ce qui serait position mystique, refusant la prise et la capacité du logos. Et en même temps, on travaille contre la langue. Parce que la langue, nous fait verser toujours dans du prédit, pré-notionné, pré-attendu, et que penser, c'est s'insurger contre ce qui est déjà plié par la langue, pour justement pouvoir faire réémerger la pensée. Alors si votre objet, c'était de traduire la physique dans le langage naturel, qui est une des ambitions de cette émission, la physique s'écrit avec des équations, avec des formalismes mathématiques, elle renvoie à une forme d'abstraction, elle n'est pas déjà dite dans le langage. Et donc comment la dire avec le langage, si ce n'est en faisant ce que vous proposez, c'est-à-dire en faisant exploser la langue cible, la langue naturelle, pour créer des espaces au sein desquels on va pouvoir dire l'originalité des messages qui viennent de la physique. C'est la faire exploser, c'est la faire réfléchir sur elle-même. C'est seulement à la rencontre d'une autre langue, ou d'une exigence qui vient d'ailleurs que la langue dans laquelle on parle, que la langue commence à se réfléchir elle-même dans ses ressources propres. Donc ce n'est pas seulement une explosion ou une implosion de la langue, c'est le fait qu'une langue ne commence à savoir ce qu'elle est comme langue que dans le miroir d'une autre. Et dans cette épreuve de la rencontre avec quelque chose qui ne coïncide pas directement avec elle et qui donc fait apparaître une marge de jeu, d'indécision, donc aussi d'opérations possibles. La physique serait une sorte d'hyperchine ? Je pense que toute pensée travaille avec de l'autre ou travaille avec de l'ailleurs. C'est-à-dire, il n'y a de pensée que si elle se désassimile ou plutôt si elle décoïncide avec elle-même. Donc après, les stratégies de décoïncidence, elles sont très diverses, chacun essaie la sienne. Dans mon cas, la Chine est intervenue stratégiquement, mais aussi dans une filiation, qui est double. D'une part, celle des grands linguistes précédents, enfin de l'époque précédente, je pense à Dumézil, je pense à Benveniste, pour qui l'ailleurs c'était l'Inde. Et donc c'était l'Inde européenne, mais c'était un ailleurs aussi de filiation. Si j'ai fait le choix de la Chine, c'était justement pour ne pas choisir l'Inde, pour ne pas rester dans l'Inde européen. Donc pour couper avec la filiation, pour couper avec, disons, ce qui pouvait être rapport d'influence, de comparatisme classique, le sanskrit, le grec, le latin. Et c'est autre chose aussi, c'est que la grande pensée des décennies précédentes, de la déconstruction, m'a paru être une déconstruction faite du dedans. C'est-à-dire, alors que ce soit Derrida, Lévinas, c'est-à-dire au fond que pour prendre du recul ou ouvrir de l'écart avec la métaphysique grecque, quelque part nécessairement, on se réadossait à la tradition hébraïque. Reprenant ce qui était la grande tension de la pensée européenne entre Athènes et Jérusalem, le grec, le juif, bref, Abraham face à Socrate, la grande histoire qui a cessé d'inspirer la philosophie, y compris à l'époque moderne, chez Hegel, chez Nietzsche, chez Kierkegaard et les autres. Et il m'a semblé qu'il était opportun aujourd'hui de penser une déconstruction du dehors, c'est-à-dire qui ne se situe plus dans la filiation ou la tension les grecs, les juifs, et d'aller écouter en Chine d'autres paroles de l'origine, pour dire un peu à la façon d'Heidegger, et donc de passer par ce qu'on appelait le cas chinois à la belle époque, c'est-à-dire cette extériorité qui n'était pas déjà intégrée comme a commencé à l'intégrer la traduction de la Septante des Grecs, n'est-ce pas, cette grande tradition où, qui a été de dévisagement mutuel entre Athènes et, disons, la tradition hébraïque. Donc pour moi, c'est une déconstruction du dehors. Et c'est ce qui fait que j'étais amené à devenir sinologue. Donc il y a une grande patience d'apprentissage, parce que la Chine, la langue chinoise, c'est simple à apprendre, mais ce qu'il faut, c'est les textes, les commentaires de commentaires, ça c'est patient. Hein. Et essayer progressivement de revenir de cet investissement fait en sinologie pour retrouver prise, une autre prise, une prise décalée sur la philosophie, et revenir donc sur la question de la philosophie, et peut-être la première d'entre elles, vivre, exister, mais avec, disons, cet écart pouvant travailler à nouveau frais cette question qui était peut-être toujours trop déjà facilement rangée. Mais vous disiez tout à l'heure, François Julien, penser c'est travailler avec la langue et en même temps contre la langue. Donc il y a en même temps. Est-ce que l'idée de l'antre implique le en même temps qui a connu son heure de gloire pendant la dernière campagne présidentielle? Je pense que l'en même temps est important. J'en donne un exemple. Je fais un détour par la Chine et en même temps je reviens. On a très souvent compris détour par la Chine, puis retour sur la philosophie. Non, parce que vous ne revenez jamais. Il faut bien que ce soit détour par la Chine et en même temps retour sur la pensée. Le détour vous change. Oui, mais c'est parce que sinon, s'il n'y a pas le en même temps, il y a un avant-après et qui perd. C'est pas ce qui est l'opération même de la pensée, ce qui fait sa tension et son exigence. Donc ce n'est pas retour puis détour, c'est de façon qui peut paraître paradoxale, mais c'est ce paradoxe qui révèle, disons, la fécondité du travail engagé, c'est détour et en même temps retour. Donc c'est en même temps, effectivement, c'est tenir l'intenable. Mais c'est ça qui fait penser, c'est ça qui crée une situation de pensée, tenir l'intenable. Donc travailler avec la langue et en même temps contre la langue, c'est ça qui fait qu'effectivement, un nouveau possible peut advenir dans la pensée. Il faut tenir l'intenable et aussi tenir le calendrier, enfin le tempo de cette émission. Et nous sommes arrivés au moment où nous allons écouter le premier morceau de musique que vous avez choisi, François Julien. Thank you. François Julien, qu'était-ce donc que nous venons d'entendre ? Mille regrets de Josquin des Prés. Je trouve qu'il y a une grande beauté à cette chanson polyphonique. En dépit de son titre, Mille regrets, une chanson joyeuse. Et je trouve que cette légèreté de la Renaissance, cette envie de vivre qui traverse le chant, et qui fait que, oui, légèreté, alerte, voilà, c'est ça qui me plaît dans cette chanson, chanson polyphonique, qui a eu une très grande célébrité, puisque c'était la chanson préférée de Charles Quint. Donc ça fait partie aussi d'une époque où on chantait, une époque où, disons, même les plus grands, voilà, chantonnaient leur air, et je trouve que, puis ça fait Europe aussi. Et je vois qu'aujourd'hui, activer un peu tout ce qui peut faire Europe culturellement, et pas seulement de façon rangée comme ça, sous des titres assez européens, non, que ce soit la chanson de préférée de Charles Quint, le grand adversaire de la France, je trouve, voilà, lui rajoute encore un peu de charme musical. Donc l'idée, c'est que l'Europe est une ressource qu'il faut sans cesse mobiliser. Oui, utiliser. Et une ressource diverse, c'est des ressources. Mais le terme de ressources, j'en vois toujours au pluriel, c'est des ressources, c'est indéfini les ressources. Et je crois qu'effectivement, il ne faut pas chercher à définir l'identité européenne, Dieu sait que j'essaie de le marteler, mais qu'il faut prospecter, explorer, exploiter des ressources européennes. Et une ressource principale pour moi en Europe, c'est la diversité des langues, en même temps que les langues sont en vis-à-vis, se traduisent, la grande phrase, n'est-ce pas, sur laquelle la traduction est la langue de l'Europe, je crois que c'est essentiel à affirmer aujourd'hui. François Julien, vous publiez ces jours-ci Si près, tout autre, un livre dont le sous-titre est « De l'écart et de la rencontre ». Philippe Rath, qui est un philosophe, qui écrit un article sur vous dans le Cahier de Lerne, et qui est venu d'ailleurs à la conversation scientifique pour parler de Tintin, a écrit ceci « L'écart est la juste distance qui établit l'antre. C'est la modulation de fréquence de l'intimité séparatrice. » Ça vous plaît comme définition de l'antre ? Oui. Ça me plaît et ça donne à penser ce qu'est l'autre. Parce qu'il y a actuellement bon, une sorte de grande banalité à s'occuper de l'altérité. Mais je crois qu'il faut d'abord faire une distinction première qui est qu'il y a deux figures de l'autre. L'autre comme opposé du même et l'autre comme extérieur à soi. Et c'est cet autre comme extérieur à soi qui fait apparaître de l'antre. D'où ce sous-titre « De l'écart et de la rencontre ». La traduction de l'autre comme opposé du même, c'est la tradition grecque. Mais ma question, c'est que l'autre comme opposé du même n'est plus autre. C'est-à-dire qu'il est déjà rangé, opposé, mis en vis-à-vis, mis en face, donc déjà rangé, fait couple. Et il fait couple, donc l'altérité n'est pas vraiment au travail. Elle est résorbée, c'est le fait même de la dialectique. Qu'elle soit celle de Platon, du discours, de la prédication, ou de Hegel, de l'histoire, du devenir, au fond, l'autre est rangé. Et il m'apparaissait important de penser l'autre en tant qu'autre, donc l'autre comme extérieur à soi, et c'est ce qui relève de la tradition hébraïque, où la figure de Dieu, évidemment, et ne cesse d'être interrogée par ce biais de l'autre, et de penser alors cette question essentielle, qui est que... si on entre en relation avec l'autre, est-ce que l'autre n'est pas déjà perdu, puisque mis en relation et ce qui amène donc à penser, de façon paradoxale, de façon tendue, et là encore, dans la langue, mais contre la langue, ce que peut être, justement, la rencontre. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. François Julien, vous écrivez dans Si près tout autre, opposer, c'est situer l'autre dans un face-à-face et ne plus en laisser déborder. C'est le contenir dans la perspective du même, même inversé. Dans l'opposé, l'altérité est rangée, elle y est à la fois repliée et assignée. L'altérité n'y est plus qu'adversité, bornée par sa négation. Je résume bien le propos ? Et en politique, ça donnerait quoi si l'opposition était autre chose que cela ? Justement, c'est la question, c'est que l'opposition, qui se prétend autre, en fait, est intégrée. Donc elle fait jeu avec le même. Elle fait partie du jeu. Oui, elle fait jeu avec... Donc il y a une illusion d'altérité, puisqu'elle est rangée, donc j'irais désamorcée. Donc perdant cette virulence, cette violence de l'autre comme extérieur, et donc dérangeant. Et je crois que, alors oui, l'opposition en politique, c'est bien ça, n'est-ce pas ? Dès lors qu'il y a une opposition, elle dialogue, elle est en corrélation, elle compose avec le même. Et la question, c'est, parce que nos vies ne cessent d'être tendues par une quête de l'autre en tant qu'autre. Donc c'est de voir comment on peut penser, mais de façon paradoxale, cet autre extérieur, de façon à ne pas le rabattre dans du même. C'est pour ça que je pose, par exemple, relation et rencontre. La question, c'est que l'autre émerge dans une rencontre, mais ensuite, cet autre est rabattu dans la relation. La relation intègre l'autre, jusqu'à dans l'opposition. Donc voilà, pensez ce moment où l'autre émerge comme autre et n'est pas encore assimilé, relativisé, rendu au même. Et donc vous dites que pour avoir accès à l'autre, il faut, c'est une phrase qui m'a intéressé, qui m'a même provoqué, il faut fracturer le semblable, vous dites. Oui. C'est-à-dire dénoncer les synonymes qui n'en sont pas, par exemple. Oui. Il y a un long chapitre qui est consacré à la différence que vous faites entre le plaisir et la jouissance. Oui, je crois qu'il s'agit en fait de, si l'autre ne se présente pas comme autre, ou si dès lors qu'il se présente dans la relation d'altérité, il est déjà absorbé, et si son opposition est en fait son désamorçage par corrélation, alors il faut où trouver de l'autre? Et je propose de le trouver justement si près, le tout autre, le trouver si près, et dans la langue, dans les synonymes, parce que les synonymes sont présentent des sens qui sont presque pareils, mais c'est là qu'en fait une fissure existe qu'il faudrait déployer, penser et écarter un terme de l'autre. Alors j'ai pris plaisir et jouissance parce que plaisir et jouissance, qu'on définit comme des synonymes, on définit la jouissance comme étant la plénitude du plaisir. En fait, si on y réfléchit tant un, tant soit peu, on voit que le plaisir appartient à la satisfaction, alors que la jouissance sort de la satisfaction, notamment fait que plaisir et jouissance, plaisir plutôt que le plaisir et la souffrance vont de pair, et la jouissance en fait fait imploser les cadres du plaisir. La jouissance est ce passage à la limite qui fait quitter la normalité du plaisir pour découvrir quelque chose qui me sert à penser l'existence, c'est-à-dire le se tenir hors, existere. Mais c'est vrai par exemple d'autres termes, différer et reporter. Il faut savoir différer, mais ne pas reporter. Entre répétition et reprise, il faut savoir se reprendre et non pas répéter. Donc, vous voyez, c'est des termes qui sont tous synonymes et qui, en fait, quand on perçoit la fissure qui se dissimule sous cette synonymie, cette fissure peut être justement non seulement perçue, mais accrue, et plutôt ouverte en écart, qui permet justement d'avoir pris à nouveau sur la langue, à l'encontre de la langue, et d'opérer ce que je disais tout à l'heure, à savoir utiliser la langue en même temps que contre la langue. Donc je crois qu'il faut éviter la dissimulation de l'autre sous la figure du semblable. Et c'est aussi en termes politiques. Pour justement faire apparaître au plus près cet autre extérieur qu'on croit avoir apprivoisé, qu'on croit avoir comme ça rangé sous du semblable, qui n'est que du semblant. Et c'est pour ça que je pense la rencontre, parce que la rencontre, c'est justement la mise en proximité de ce qui est écarté. Alors cette phrase, je disais qu'elle m'avait provoqué, il faut fracturer le semblable, et je me suis demandé si je connaissais moi-même dans mon propre champ des couples de mots qui sont apparemment synonymes, et puis quand on regarde les rhétoriques dans lesquelles ils sont insérés, se révèlent complètement différents. J'ai trouvé deux couples. Le premier, c'est origine et commencement. Ah oui. Quand en physique on explique l'origine des atomes, par exemple, on raconte l'ensemble des histoires qui ont précédé l'apparition des atomes et dont les atomes sont l'aboutissement. Donc expliquer l'origine d'une chose en physique, c'est expliquer l'histoire qui a commencé avant cette chose et dont cette chose est l'achèvement. Donc origine veut dire achèvement. Et puis l'autre couple auquel j'ai pensé, c'est le couple innovation-progrès, deux mots qui semblent synonymes. Mais si on regarde les rhétoriques dans lesquelles ces mots sont insérés, on voit que le discours contemporain sur l'innovation s'appuie sur un temps corrupteur, le temps abîme les choses, amène des défis, et on ne pourrait les relever que grâce à l'innovation. Et donc il faut innover pour que le monde se maintienne, alors que l'idée de progrès s'appuyait sur un temps constructeur, complice de notre liberté, qui permettait de penser un futur différent du présent. Oui, je réagirai d'abord sur le premier couple. Je crois que c'est très important. Et là, je dirais que l'introduction de la pensée chinoise peut-être apporter un regard supplémentaire. L'écart essentiel est dissimulé entre origine et commencement. L'idée peut-être naïve du commencement, c'est-à-dire du lever de rideau, c'est-à-dire du début, le premier coup de dé. Et penser que avant le commencement, tout ce qui a procédé dans le commencement n'est qu'un résultat. Alors ça, c'est une chose que la pensée chinoise a beaucoup et disons éclairé, tout ce qui est ce préalable de gestation indistinct, comme ça entre amorcé et avorté, quelque chose qui est au travail, qui chemine et qui ensuite se manifeste comme ça résultativement dans ce qu'on appelle début. Un exemple tout simple par rapport à la vie, soit on fait commencer la vie à la naissance, comme on dit, soit on fait commencer plus tôt et en pensant que la naissance c'est du résultat. Le premier braillement celui qui sort du ventre de sa mère, en fait, c'est un début, mais un début qui est le résultat de tout ce qui a précédé, de Genèse enfouie, dissimulée, enfin, en tout cas, qui n'apparaît pas, mais qui est effectivement là où ça commence à se faire, effectivement. Donc, je crois qu'il y a une exigence de pensée qui n'est pas seulement de définir les termes avec lesquels on pense, la vieille exigence aristotélicienne, mais qui est une exigence de ne pas se laisser prendre au piège de la synonymie. Et donc, plutôt que de penser que c'est dans l'opposé qu'est l'autre, alors que l'opposé a rangé l'autre, de chercher comment, au plus près, dans ce qui paraît semblable, il y a un autre effectif, d'autant plus virulent qu'il est dissimulé, et que c'est lui qu'il faut exploiter pour penser. Alors vous dites, la Chine n'a pas pensé le statut d'un dieu créateur, qui par son action souveraine crée le monde, ouvre le temps à partir de l'éternité. Elle n'a pas non plus pensé la fin de l'univers, le grand baisser de rideau. Non, ni le lever, ni le baisser, mais elle n'a pas pensé le temps. C'est son problème à elle. Enfin, plutôt, c'est le nôtre par rapport à la Chine. Mais elle a pensé la temporalité. Elle a pensé deux choses. Elle a pensé l'occasion, le moment, la saison, et la durée, le duratif des choses, ou la duration. Mais elle n'a pas pensé l'enveloppe du temps. Et la preuve, d'ailleurs, qu'il a fallu traduire temps en chinois, et cela à la fin du 19e siècle, en chinois, japonais, shetien. Donc, très tardivement, par rapport à l'histoire des deux civilisations. Quelle est la lecture chinoise du Big Bang ? Je crois que c'est La lecture chinoise de la lecture européenne du Big Bang. Je crois que c'est pas intéressant, l'idée du début, du premier coup de dé, l'idée de ce que quelque chose, puisqu'on dit en Chine couramment, non pas début et fin, mais fin-début, zhongshi. Alors souvent les traductions, évidemment, rétablissent comme on l'attend. En même temps. Donc, début, non pas début et fin, l'alpha et l'oméga, mais fin-début. Tout début procède d'une fin. Avant un début, il y a ce qui a conduit et résulté en ce début. Donc je crois que c'est important de voir que la Chine a pensé en termes de continuité, sans s'interroger, sans s'inquiéter de la question du début et de la fin. Alors ça nous sort des Grecs. Oui, et ça rejoint aussi le travail de certains cosmologistes qui repensent le Big Bang comme étant non pas une singularité qui serait l'explosion originale, mais une sorte de transition de phase entre un pré-Big Bang et puis l'univers. Il n'y a que des transitions. C'est ce que je crois qu'il faut penser, c'est qu'au fond, il y a une mythologie du début premier, comme de la fin dernière, mais mythologie que les Grecs ont si bien pensé, notamment dans la notion d'arché, à la fois principe et commencement, la notion de telos, et l'idée grecque essentielle qui est que, pour que nous puissions penser, il faut fixer un début et une fin. C'est ce que dit Aristote, parce que si on remonte sans fin dans un début qui n'est pas un début, la pensée se perd, et si on descend dans une fin qui ne trouve jamais son terme, elle se perd également. Et comme dit Aristote, c'est vain. Donc pour sortir, les Grecs nous ont mis en tête cette exigence de marquer un début, de marquer une fin, et là de faire apparaître un segment de logos possible, qui a sa pertinence, et où, disons, on puisse, comme dit Aristote, formule très forte d'Aristote, anankestena, il faut s'arrêter de remonter, il faut s'arrêter de descendre. Et je crois qu'il y a quelque chose qui fait partie de la raison grecque, qui est de fixer des extrémités, vis-à-vis de quoi la pensée chinoise fait apparaître qu'il n'y a que des transitions. Et si on pense là, c'est donc que la notion de début et de fin se défond. Et je trouve que c'est le plus important quand on circule entre les pensées, que de voir non pas, de ne pas croire qu'on trouverait dans l'autre pensée des réponses aux questions qu'on se pose, mais de se rendre compte que les questions qu'on se pose, ou qu'on ne peut pas ne pas se poser, qui nous paraissent nécessaires, comme celles du début et de la fin, quand on passe dans l'autre cadre de pensée, non pas se résolvent, mais se dissolvent, se défont. Et ça, je crois qu'alors c'est un élément fort pour réfléchir sa pensée. Alors, je vais vous poser une question, François Julien, qu'on a dû vous poser mille fois, je m'en excuse. Mais est-ce qu'il est vrai que la Chine n'a pas pensé la logique de la contradiction ? Alors, c'est plus intéressant cela, je crois. Parce que ce n'est pas en noir et blanc. C'est qu'elle l'a pensé, mais ça ne l'a pas vraiment intéressé. Ce qui est beaucoup plus intéressant qu'elle l'a pensé ou pas. C'est qu'effectivement, dans l'Antiquité chinoise, l'idée de contradiction, Mao Dun, la lance et le bouclier, ça se trouve dans un texte du Han Fei, apparaît. Donc, ils ne l'ont pas connu. Ils l'ont, je dirais, entrevu, mais ça ne les a pas intéressés. Et dans un texte que j'ai l'occasion de traduire, il apparaît bien qu'à la fois, On peut passer par le principe de nos contradictions, mais on n'en reste pas prisonnier. Ce qui est fort dans la position grecque, c'est qu'une fois qu'on a installé le principe de non-contradiction, que Aristote pose comme le premier axiome au livre Gamma de la métaphysique, axiome parce qu'on ne peut pas le démontrer, mais on peut montrer que celui qui le contredit se contredit, parce qu'il met en acte ce principe de non-contradiction qu'il réfute, eh bien, chez les Grecs, c'est devenu contraignant dans la pensée, c'est logique. Alors que chez les Chinois, il a été entrevu comme une possibilité, mais qui n'est pas exclusive. Et c'est ça qui me paraît essentiel, parce que c'est beaucoup plus fort que l'opposition, c'est le fait que cette possibilité a été conçue, mais n'est pas devenue contraignante, n'a pas de statut logique. François-Julien, le temps passe. Nous allons écouter le second morceau de musique que vous avez choisi. Thank you. François-Julien, je n'aime pas parler après cette musique qui semble vouloir continuer après sa fin. Qu'est-ce ? J'aime bien la grande musique orchestrale dans laquelle on s'engouffre, mais j'aime bien dans celle-là le fait qu'elle permet de penser. Elle n'est pas qu'apparente. Donc on peut, elle peut se poursuivre, oui, indéfiniment. Et je trouve à cet effet de maintenir en élan, sans accaparer, sans absorber, sans être la grande musique dans laquelle on se dissout tout entier. Donc j'y trouve une sorte d'aiguillon à la pensée. Ça fait une bonne transition parce que certains vous ont reproché de ne pas vous être laissé accaparer par la Chine, de ne pas être devenu intégralement sinologue, comme si elle avait dû vous prendre entièrement. Je ne me suis pas laissé accaparer par la Chine pour être activement sinologue. Car je crois que pour être activement sinologue, il faut ne pas se laisser accaparer, absorber, siniser. Alors justement, il y a un article d'Alain Badiou dans le Cahier de Lerne qui vous est consacré, qui commence. Alors le titre de l'article, c'est « Julien l'apostat ». Et la première phrase d'Alain Badiou est « Ce que j'aime chez François-Julien, c'est qu'il n'est pas un sinologue ». Oui, alors c'est très bien dit. Et je remercie d'ailleurs Alain Badiou de cette compréhension-là, à la hauteur de son intelligence. En même temps, ce genre de phrase coûteuse par rapport dans la profession que j'exerce de philosophe sinologue, car évidemment, c'est à prendre au second degré. Et si on le prend au premier degré, comme parfois j'ai dit, la Chine ne m'intéresse pas, ou comme j'ai dit, quand on me demande d'aller souvent en Chine, que je réponds le moins souvent possible, ce n'était pas à prendre au premier degré. Ça signifie qu'il y a du jeu. Mais ça veut dire que si on se met à l'écart, on n'a plus le droit d'être provocateur ? C'est-à-dire de parler ou de penser, parce que dès lors qu'on parle et qu'on pense, on met du jeu, on met du second degré, on met quelque chose qui est justement en mouvement. Je suis sinologue parce que je ne me suis pas limité à être sinologue. C'est comme ça qu'on est effectivement sinologue. Sinon, on est spécialiste de la Chine, ce qui est tout autre chose. Et alors, on se concentre sur un objet dont on devient le propriétaire, académiquement reconnu comme tel, et on fait carrière en sinologie, c'est très bien. Mais disons, ça aboutit à des monographies avec plein de notes en bas de page pour faire érudit. J'ai choisi autre chose, j'ai choisi de faire jouer la Chine comme un opérateur théorique, comme un outil de la pensée, pour déranger la pensée européenne et tout autant la pensée chinoise. C'est-à-dire, au fond, retrouver de l'initiative dans la pensée, essayer d'élaborer une prise peut-être nouvelle sur des objets qu'on ne cesse de consommer dans la pensée sans peut-être les réfléchir suffisamment. Donc là, il s'agit pour moi d'une stratégie dont je comprends qu'elle ne soit pas, admise par tous, mais dans laquelle je persévère. Le sous-titre de votre livre, Si près tout autre, c'est De l'écart et de la rencontre. Nous avons beaucoup parlé de l'écart, de l'antre, peu de la rencontre. On a l'impression que l'écart et la rencontre sont deux termes qui s'opposent. Mais qui font couple, qui s'appellent l'un l'autre. Il faut de l'écart pour qu'il y ait rencontre. Mais qu'est-ce que la rencontre ? La rencontre est ce moment précieux où l'autre émerge comme autre, par écart, et en même temps ne s'est pas laissé rabattre, disons, dans la relation. Donc rencontre me paraît un terme essentiel, et d'ailleurs, nos vies sont faites de rencontres. Mais il faut constater que la philosophie n'a jamais parlé de la rencontre. Elle n'a jamais traité de la rencontre. Seul le roman en traite. Et les romans sont faits de rencontres. Donc il s'agit au fond, et ça c'est mon projet philosophique, de récupérer dans le terrain de la philosophie ce que la philosophie a laissé tomber. N'a pas su penser à quoi la philosophie n'a pas pu donner de concept. Et je crois qu'il faut donc élaborer un concept de rencontre. Et d'abord entendre le mot en français, rencontre, encontre, contre. Donc une rencontre c'est cette chose précieuse à penser, mais difficile à concevoir, difficile à ranger sous le concept, qui est imprévu, qu'elle rencontre, qui est en même temps toujours du moment. On ne sait pas comment une rencontre va tourner. Vous pouvez préparer une rencontre autant que vous voulez, comme cette rencontre de ce matin, on ne sait jamais comment elle va se passer. Et qui fait apparaître du négatif. Comme on dit, une rencontre sportive, il y a quelque chose qui ne se laisse pas directement ranger ou, disons, qui n'est pas directement acquis dans la rencontre. Donc la rencontre est ce moment, disons, où une possibilité s'ouvre, de l'écart, une altérité émerge qui ne s'est pas déjà laissée ranger. Et je pense que ce moment précieux, notamment pour penser l'existence, c'est-à-dire cette capacité dans la vie de pouvoir se tenir dans la vie et dans le monde, immanent au monde comme nous sommes, de pouvoir en même temps que nous sommes, toujours le « en même temps que nous sommes immanent au monde, demeurant dans le monde, pouvoir se tenir hors du monde. » Je ne voudrais pas trop prolonger l'analogie, mais on pourrait dire la même chose de la physique. Pour rencontrer le réel, elle doit se mettre à l'écart. C'est-à-dire qu'elle doit procéder par des expériences de pensée par lesquelles le monde décoïncide avec ce qu'il nous montre. Absolument. On voit les corps tomber à des vitesses différentes selon leur masse et la loi dit qu'ils tombent tous à la même vitesse dans le vide. Donc le monde se décolle de lui-même pour se comprendre. Je crois que c'est nécessaire, c'est ce qu'a très bien montré Platon. C'est que, par la pensée de la théorie, c'est qu'il faut décoller, décoïncider de l'empirique pour élaborer une prise sur l'empirique. Donc ce n'est pas une décoïncidence pour un ailleurs, parce que c'est aussi parfois chez Platon, dans une sorte d'usage idéologique, disons, d'un autre monde. Mais au fond, la vraie question platonicienne, c'est comment décoïncider de l'empirique pour trouver une prise effective sur l'empirique et pouvoir le réfléchir, pouvoir commencer à le penser. Et je crois que c'est ce qui justifie la théorie. La théorie physique, entre autres, mais qui est cette capacité de décoïncidence, c'est-à-dire de sortir de l'adéquation qui n'est qu'une adaptation, c'est bien ce que nous montre Nietzsche, donc du confort de l'adéquation pour, disons, ouvrir par écart une possibilité de prise pour, qui permet de désadhérer, l'exemple même que vous citiez, de désadhérer de l'évidence, de désadhérer de la commodité dans laquelle cela se donne à penser. Justement, dans votre livre « L'Europe ou l'invention de l'idéal », vous expliquez que l'Occident a fait du désir de vérité la vérité du désir. Socrate, Platon, etc. Ça veut dire que pour faire de la science, en tout cas une science comme la physique, il faut avoir pensé l'idéal, dont vous dites que c'est un mot européen, qui se dit de la même façon dans toutes les langues de l'Europe. Je pense qu'il faut un dédoublement du réel. Je crois que mon souci est effectivement d'explorer les ressources des termes européens comme idéal. C'est effectivement le même mot dans toutes les langues d'Europe. Donc, il dessine une sorte de géographie théorique de l'Europe. Et idéal, c'est un précieux qui fait apparaître ce qu'il faut de détachement pour pouvoir avoir prise. Et la grande pensée platonicienne, c'est que passer à l'idéalité, c'est donc décoller de l'expérience, du phénoménal, mais pas pour fuir le phénoménal, pour pouvoir avoir une prise dessus. Et la grande opération de Platon dans Idéalité, c'est de penser à la fois l'abstraction de l'idéal, et en même temps que cette abstraction idéale est branchée sur le désir, Eros, n'est-ce pas ? Donc, sur le plus, disons, à vif de notre expérience. Donc, je crois que l'idéal, c'est une notion extrêmement féconde, et par rapport à l'histoire d'aujourd'hui, est-ce que la difficulté de l'Europe à se faire aujourd'hui, c'est qu'elle est en quelque sorte déçue, mal à l'aise, je ne sais comment le dire, par rapport à la pensée de l'idéal qu'elle a portée. Or, il me semble que faire l'Europe aujourd'hui, c'est aussi songer à nouveau quelles sont les ressources de l'idéalité, de ce statut d'idéal qui peut paraître, disons, déconnecté de l'expérience, mais qui est en fait une façon d'accéder à l'expérience. Mais est-ce que ça ne vient pas aussi du fait que l'universel a perdu quelques lettres de noblesse ? Est-ce qu'il peut y avoir de l'universel qui ne soit pas arrivé à une culture ? En d'autres termes, est-ce qu'il y a de l'universel qui soit vraiment de l'universel ? Alors je pense qu'il faut trier dans la notion d'universel. Se défier ou rejeter un universel par totalisation, universel de fermeture, celui de l'universalisme, mais revendiquer, et c'est ce que j'ai souvent écrit, un universel rebelle à toute clôturation, à la totalisation, qui est un universel, pour dire en termes kantiens, régulateur, c'est-à-dire qui règle la recherche et qui n'est jamais satisfait, et donc maintient dans une continuité de la recherche. Or cet universel-là, il est, à mon sens, fécond, parce que c'est lui qui permet de maintenir le commun ouvert. Parce que le commun, lui aussi, est équivoque entre un commun du partage, dessinant un dedans du partage, mais ce dedans du partage peut se retourner en frontière d'exclusion des autres, le communautarisme. Donc pour maintenir le commun ouvert, et d'abord politiquement, il faut invoquer cette notion d'un universel rebelle, c'est-à-dire refusant le totalitarisme, la clôturation dans une totalité advenue, pour ouvrir du manque qui donne à chercher, au-delà de toutes les totalisations achevées. Et il me semble qu'il y a quelque chose d'essentiel, et c'est pour ça que pour garder l'universel au travail, en chantier. C'est pour ça que je parle d'universalisant. Non pas d'universalisable au sens d'Habermas, qui s'indexe d'emblée sur la connaissance, mais universalisant, c'est-à-dire vecteur promoteur d'universel, de l'universel qui n'est jamais satisfait. C'est comme ça que je comprends l'universel des droits de l'homme. Et les droits de l'homme ne sont pas la version finale de la vérité de la communauté humaine. Mais les droits de l'homme sont vecteurs, facteurs d'universel, promoteurs d'universel, donc universalisants. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Vous disiez tout à l'heure, François Julien, que la Chine n'a pas été intéressée par la question de la contradiction. Elle l'a pensée, mais ça ne l'a pas intéressée. Vous savez que les physiciens au XXe siècle ont été très troublés par une nouvelle physique qui s'appelle la physique quantique, qui permet de faire cohabiter des contraires. On superpose des propriétés qui sont contradictoires l'une avec l'autre. L'exemple qu'on invoque souvent, c'est celui du chat de Schrödinger, qui est à la fois, enfin, qui est la somme d'un chat vivant et d'un chat mort. Est-ce que la Chine serait plus à l'aise que nous autres Européens pour penser la physique quantique? Je pense qu'elle peut être plus à l'aise parce qu'elle n'a pas à défaire certaines choses que la science européenne moderne doit défaire dans son passé classique. Donc je crois qu'il y a effectivement une disponibilité de la pensée chinoise à accueillir ou à intégrer la physique contemporaine. Mais en insistant sur un point, c'est que la pensée chinoise qui a connu la pensée de la non-contradiction mais ne l'a pas posée comme exclusive, n'est pas une science. Donc c'est pas... Il y a d'un côté la science européenne telle qu'elle est advenue avec ses exigences logiques, sa modélisation, sa mathématisation, et qui a produit la science. Du côté chinois, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une pensée disponible qui ne s'est pas laissée enfermer dans une logique aussi contraignante que l'a été chez nous la logique classique. Alors il me semble que la pensée européenne doit défaire certains cadres constitués de sa pensée, et c'est sa force, son pouvoir de négativité. Et c'est vrai en physique, mais c'est vrai en peinture, c'est vrai psychanalyse par rapport à la psychologie classique, la métapsychologie freudienne. Donc je crois qu'il y a une force de l'Europe, à titre de ressource, qui est la fécondité du négatif. C'est-à-dire cette capacité qui n'est pas seulement critique, qui est de remettre en question les fondements de sa pensée, se dire non à elle-même. La grande définition du philosophe, selon Bergson, celui qui vient dire non au philosophe précédent, ou plutôt qui vient dire non à lui-même, tel qu'il pensait précédemment. Alors, la pensée chinoise à la fois n'a pas à faire ce travail de déconstruction, parce qu'elle n'a pas, elle s'est pas comme ça bloquée dans des, disons, des exigences logiques. En même temps, il faut reconnaître que la modernité s'est faite en Europe. Parce que la modernité s'est faite par rupture avec des certitudes, ou plutôt des préjugés précédents. Donc, je dirais, force de cette capacité d'une pensée à revenir sur elle-même pour se contredire, d'une pensée qui sait s'ébranler dans ce qu'elle pensait des fondements solides. Et c'est vrai en peinture, c'est vrai en physique, c'est vrai en psychologie, et je crois que c'est vrai en philosophie. Est-ce que c'est vrai en politique? En 2010, François Julien, vous avez reçu en Allemagne le prix Hannah Arendt pour la pensée politique. Est-ce que vous vous attendiez à recevoir un prix politique? Est-ce que votre œuvre est également politique? Elle est foncièrement politique. Elle n'est pas politique par des positionnements. On m'a souvent reproché de ne pas remplir la case du philosophe engagé tel que la génération précédente, de Sartre à Foucault ou à Bourdieu, l'imposer. Mais en fait, mon travail est politique dans la mesure où il sert à ébranler des assises de la pensée. Et je ne conçois pas le politique, non pas la politique, mais le politique, sans ce travail de remise en question, de réélaboration des cadres ou des grilles d'appréhension de l'expérience. Bref, comme remise en mouvement critique de la pensée. Donc, dans la fin de mes livres, il y a toujours des conséquences politiques qui sont là à titre de prolongement politique questions que j'essaie d'élaborer en amont du questionnement politique. Et votre dernier livre dont on n'a pas parlé, Ressources du christianisme. Je dois dire que je n'ai pas eu le temps de le lire. J'ai lu les autres, mais pas celui-ci. Quel est le message principal? Est-ce qu'on y parle encore de la Chine? Ou est-ce que c'est une réflexion sur l'Europe, sur son histoire? C'est pas un livre, c'est un tout petit livre, mais il faut en prendre le titre qui est dialectique, Ressources du christianisme, mais sans y entrer par la foi. Je voulais défaire une chose, à titre de manifeste, là. C'est cette opposition, y croire ou pas, qui me paraît, en fait, faire obstacle à notre rapport au christianisme aujourd'hui, qui n'est pas donc un rapport y croire ou pas, de croyant ou d'incroyant, mais qui est le fait qu'il y a là quelque chose qui est le christianisme. Et il me semble que la pensée contemporaine s'en défausse, essaie de passer à côté, de fermer les yeux dessus. Ma question est toute simple, c'est la question nietzschéenne. Qu'est-ce que le christianisme a fait à la pensée? Qu'est-ce qu'il a recouvert? Qu'est-ce qu'il a peut-être ouvert aussi? Est-ce qu'il y a des ressources du christianisme? Donc de défaire cette entrée sclérosée, à mon sens, de la question du christianisme, qui est y croire ou pas, la question de la foi, Et je crois qu'effectivement, c'est important politiquement pour penser l'Europe aujourd'hui, car l'Europe est embarrassée de ce passé du christianisme. Passé présent, je ne sais pas moi le dire, mais vous savez que quand on a voulu rédiger un préambule à la Constitution européenne, on a voulu définir l'Europe, son identité, fausse route à mon sens. Et donc, on a dit l'Europe est chrétienne, à quoi d'autres ont répondu non, elle est laïque, on a opposé la foi et la raison. Pour moi, en fait, l'Europe est dans l'écart de l'un et de l'autre, en tension par cet écart, dans l'antre tendu par cette opposition de la foi et de la raison. Et il me semble que la question, justement, c'est que faire aujourd'hui cette chose qu'est le christianisme pour voir quelles ressources il peut contenir. Et moi, j'en ai évoqué quelques-unes. Ben, le fait que dans le christianisme, dans l'évangile, il y a de l'écart et de l'antre. Il y a quatre évangiles, ils ne sont pas hiérarchisés. Il y a de l'antre entre eux. Et il y a ressources pour penser la figure du sujet, pour penser la figure de l'existence, pour penser le paradoxe. Donc, des éléments de pensée qui me paraissent pouvoir être féconds si on les sort, disons, d'une sorte d'assignation idéologique, d'adhérence, que je ne critique pas, mais que je ne suis pas, pour faire entrer la pensée dans le christianisme dans la pensée. Moi, je lis l'évangile de Jean comme je lis Platon ou comme je lis Zhuang Zi, c'est-à-dire comme texte de la pensée, et donc je me dis, en quoi me servent-ils, moi, pour penser ? Merci François-Julien d'être venu à cette conversation scientifique, mais pas que, on a parlé de beaucoup d'autres choses. On voit que quand on laisse entrer l'antre, si j'ose dire, ça prend beaucoup de place. Et qu'on pourrait parler de beaucoup d'autres sujets. C'était jamais fini. Vous citez souvent cette phrase de Georges Braque, le peintre, qui disait « Ce qui est entre la pomme et l'assiette, se peint aussi ». Merci à vous, c'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Émilie Couette et à la réalisation François Connac. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Renaud-Dibiot pour le temps des écrivains.